Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais il ne fallait pas. Tu as eu tort, ce n'est pas le moment de les tailler. Je pensais bien faire. Mais pourquoi tu m'as pas demandé avant? Je voulais te faire une surprise. Je te reproche rien, mais